accepter ma rengaine. Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. L'info sur Cristal, c'est avec François Poulet. Bonjour. Bonjour à tous. On débute avec un mot de la météo de ce mercredi 26 septembre. Fraîcheur bien marquée au tout petit matin avec des bancs de brouillard dans les vallées et un risque de gelée blanche dans les zones les plus froides. Le soleil devrait s'imposer ensuite partout en matinée et il fera à l'aube de 2 à 8 degrés en Normandie. Beau soleil à nouveau pour l'après-midi avec un vent faible et des maximales de saison pour un tout début d'automne entre 18 et 22 degrés. Encore de belles journées en fin de semaine. Un jeudi très largement ensoleillé avec jusqu'à 24 degrés. Puis un vendredi un peu plus nuageux et de 9 à 22 degrés. Magnifique week-end enfin et soleil pour finir ce mois de septembre. Maximum 15 degrés samedi, 16 degrés dimanche. La Normandie, malgré sa réputation de région pluvieuse, n'a pas été épargnée par la sécheresse qui a touché le pays ces derniers mois. Chez les éleveurs, le fourrage commence à manquer. Trop d'eau, puis pas assez. C'est l'équation donc de ces derniers mois qui cause un véritable casse-tête aux agriculteurs normands. L'hiver trop, très pluvieux, a rendu difficile les plantations de maïs. L'été très sec n'a pas favorisé la pousse des herbages. La production de fourrage est au plus bas, avec des baisses de près de 60% dans certains secteurs. Dès la fin juillet, la FNSEA de Seine-Maritime a lancé un appel à la solidarité entre les exploitants, invitant ceux qui avaient trop de paille ou de foin à fournir leurs collègues en manque. L'automne venu, la situation reste toujours tendue. Dans le Cotentin, région réputée pourtant humide, les stocks d'ensilage sont déjà bien entamés et l'hiver est loin d'avoir commencé. Dans les régions les plus touchées, comme dans le Grand Est ou la Bourgogne, les agriculteurs ont tiré la sonnette d'alarme et dénoncé le 19 septembre dernier le désengagement de l'État. Les organisations agricoles ont demandé des réponses concrètes pour éviter une catastrophe économique. En août dernier, le ministère de l'Agriculture a pourtant annoncé l'activation de dispositifs nationaux comme le dégrèvement de la taxe sur le foncier non bâti pour les parcelles touchées par la sécheresse et report de paiement des cotisations sociales auprès des caisses de la Mutualité sociale agricole. Les agriculteurs demandent des aides au transport pour la paille et le fourrage, la mise en place accélérée de la procédure des calamités ou encore au niveau européen, une hausse à 90%. Des avances sur les paiements directs des aides PAC, la politique agricole commune, contre 70% annoncée en août par la Commission européenne. Affaire à suivre pour les agriculteurs normands. Remonté depuis quelques semaines, Farid Moussaoui, président de l'association des mémoires des Harkis, envisageait de tenir un discours dur lors de la cérémonie de commémoration aux Harkis hier matin à Louviers. Promesse tenue, après la cérémonie des couleurs, Farid Moussaoui a pris la parole pour rappeler longuement le drame des Harkis et de leur famille, leur désarmement, leur massacre, l'absence de rapatriement pour beaucoup et pour les autres, la relégation dans des camps. Mettant en cause d'anciens ministres comme Pierre Messmer et Louis Jox, Farid Moussaoui s'en est ensuite pris au premier président de la 5ème République, le général de Gaulle, qui l'accuse d'avoir tenu des propos sur les Harkis pire que les mauvais jeux de mots de Le Pen. Face à ces mots, Anne Fracoviac-Jacobs, la sous-préfète des Andelys, a tourné les talons et quitté les lieux. Farid Moussaoui a tenu un discours de haine à l'égard des différents gouvernements. Au fur et à mesure de son discours, il devenait de plus en plus agressif. Bien que je ne remette aucunement en cause le passé douloureux des Harkis, je ne pouvais pas rester et en entendre davantage. Ce n'est pas un discours constructif. Cela dessert, je pense, la communauté des Harkis. C'est ce qu'a donc expliqué la sous-préfète après son départ. De son côté, le président des mémoires des Harkis a estimé ne pas être allé très loin dans ses propos. J'ai parlé d'abandon, de ce qui s'est réellement passé. J'ai le droit de parler des souffrances que subit encore aujourd'hui ma communauté. Et quand la sous-préfète est partie, je me suis senti blessé. Les Harkis n'ont pas été honorés, c'est ce qu'il déclare. En 2014, le préfet de l'Eure avait déjà refusé que Farid Moussaoui prenne la parole lors des commémorations. François-Xavier Priolo, le maire de Louviers, se souvient, le comportement de Moussaoui était déjà connu, mais j'avais réussi à convaincre le préfet de venir tout en laissant la parole au président de l'association et tout s'était très bien passé, comme c'était le cas jusqu'à présent. Après le départ de la sous-préfète, François-Xavier Priolo a pris la parole pour constater que les blessures sont encore ouvertes, mais souhaite que ces commémorations servent à rapprocher les points de vue. Je trouve cela dommage que Farid Moussaoui ait tenu des propos très violents envers l'État. En plus, personne n'a remis en question le parcours des Harkis. Je comprends tout à fait le départ d'Anne Frakowiak-Jacobs. C'est ce qu'il a déploré après l'incident. Malgré le malaise, le maire a annoncé qu'une rue des Harkis sera baptisée à Louviers. Je vais entrer en discussion avec les Harkis de Louviers pour voir quelle rue pourrait prendre cette nouvelle appellation. C'est ce qu'il a donc confirmé. Après le dépôt de gerbe en l'absence de la sous-préfète, le délégué militaire départemental adjoint, le lieutenant-colonel d'aviation Didier Noël, a refusé à Farid Moussaoui l'honneur de saluer le détachement de la BA-105 du fait de sa conduite. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est le retour de la musique sur Cristal. Passez une très belle fin de nuit et une très belle journée sur Cristal. Down. bouncers always know your name. I heard there's girls you've been seeing in all the clubs where you've been, and everybody knows your game. Why don't you answer your phone? I don't like to pretend, no, but I saw you go backstage. You're going on about her, and from what I heard, you're having trouble. Push and pull like a magnet. Although my heart is full. Le rappel des titres sur Cristal, François Poulet, bonjour à tous. On débute avec un mot de la météo pour ce mercredi 26 septembre. Fraîcheur bien marquée au tout petit matin avec des bandes brouillard dans les vallées et un risque de gelée blanche dans les zones les plus froides. Le soleil s'impose ensuite partout en matinée et il fait à l'aube de 2 à 8 degrés. Beau soleil à nouveau pour cet après-midi avec un vent faible et des maximales de saison pour un tout début d'automne entre 18 et 22 degrés. La Normandie, malgré sa réputation de région pluvieuse, n'a pas été épargnée par la sécheresse qui a touché le pays ces derniers mois. Chez les éleveurs, le fourrage commence à manquer, trop d'eau puis pas assez. C'est l'équation donc de ces derniers mois qui cause un véritable casse-tête aux agriculteurs. L'hiver trop, très pluvieux a rendu difficile les plantations de maïs. L'été très sec n'a pas favorisé la pousse des herbages. La production de fourrage est au plus bas avec des baisses de près de 60% dans certains secteurs. Remonté depuis quelques semaines, Farid Moussaoui, président de l'association des mémoires des Harkis, a envisagé de tenir un discours dur lors de la cérémonie de commémoration aux Harkis hier matin à Louviers. Promesse tenue, après la cérémonie des couleurs, Farid Moussaoui a pris la parole pour rappeler longuement le drame des Harkis et de leur famille, leur désarmement, leur massacre, l'absence de rapatriement pour beaucoup et pour les autres la relégation dans les camps. Mettant en cause d'anciens ministres notamment, Farid Moussaoui a eu des mots durs qui ont fait que Anne Vrakoviak-Jacobs, la sous-préfète des Andelys, a décidé de quitter les lieux. La nuit, la pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Le premier candidat, c'est Grégory. Bonjour. Bonjour. Tu habites près de Breteuil, dans l'Eure. Oui. Chauffeur d'engin, et toi, tu adores le foot. Ah oui. Alors, tu soutiens quelle équipe ? Le FC Barcelone, j'aime beaucoup. Et c'est qui ton joueur préféré ? On n'a pas. Non, pas vraiment de joueur préféré. Non, c'est le style espagnol que je trouve sympa. Et alors, sur FIFA, tu choisis du coup le FC Barcelone ? Bah oui, quand mon fils ne le prend pas. Ah oui, d'accord, ok. Ah, parce que le fils aussi aime le foot, c'est ça ? Ah oui, oui, oui, tout à fait. Oui. Il soutient la même équipe que papa ? Bah oui. Ouais, il a quel âge ton fils ? 10 ans. 10 ans ? C'est parce qu'il est encore influençable, tu vas voir, quand il va prendre un petit peu de l'âge et qu'il va commencer à aimer les équipes que toi, tu n'aimes pas. Bah oui, oui, oui, ça arrivera. Bon, vous soutenez le SM Caen quand même ? Oui, bien sûr. Ça t'arrive d'aller voir des matchs au stade d'Ornano ? Non, j'aimerais bien, mais non, j'ai rarement l'occasion. Bon, n'oubliez pas qu'on vous offre souvent des places pour aller voir les matchs de l'équipe SM Caen du côté du stade d'Ornano. Faut nous écouter, quoi. Grégory ? Oui. Tu connais la pause déj un petit peu ? Oui. Tu es prêt ? On va essayer, oui. Je te laisse pas trop, je crois. Faut y aller. 3, 2, 1. Qui reconnais-tu dans cet extrait ? Quel animal figure sur le logo de Twitter ? Un oiseau. Quel type de rendez-vous est souvent paroprof peu après la rentrée ? Réunion. Quel terme anglais désigne le gros lot ? Jackpot. Dans quel palais la reine d'Angleterre habite-t-elle ? Buckingham Palace. Au ski, comment s'appelle l'épreuve qui consiste à dévaler une pente en enchaînant les zigzags ? Un slalom. Donne-moi à 3 ans près l'âge de l'acteur Daniel Craig. 47. Comment se prénomme la femme de Raymond dans Scène de ménage sur M6 ? Guette. 300 divisé par 75 égale ? Passe. À quelle marque automobile appartient le modèle baptisé 500 ? Quatre. Cite-moi un Pierre célèbre, n'importe lequel. Pierre Belmar. Combien de semaines dans une année civile ? J'ai entendu un 52, ouais, je crois. Oui. Hein. Oui. Dis donc, tu n'es pas tout seul ? Non, non, non, non, non. Tu es avec un collègue ? Non, c'est avec madame, oui. Ah, d'accord. C'est mon épouse. Ok, bonjour madame, elle s'appelle comment ? Isabelle. Bon, ça m'a l'air pas mal quand même, Grégory, tout ça. Bah, on va voir. Et, dommage, il y a eu un jeu passe. Oui, là, j'ai Voilà, oui, il y a quelque chose qui m'a échappé. Parce que tu sais, si tu fais 10 bonnes réponses consécutives dans la pause déj, il y a 500 euros qui tombent. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah, t'aurais pu perdre un petit peu de temps sur cette question et t'assurer peut-être d'avoir les 10 bonnes réponses consécutives. Ah oui, surtout 375, c'était 4. En plus, tu l'as maintenant. Alors, bon, déjà, ça a bien démarré puisque t'as reconnu Lady Gaga. Est-ce que ça t'arrive de tweeter ? Non. Non, pas du tout. Je connais le logo, mais je ne tweete pas. C'est bien un oiseau, en effet, sur le logo de Twitter. Le type de rendez-vous qui est souvent parent-prof peu après la rentrée, t'as dû en avoir avec deux enfants, oui, c'est bien la réunion, hein, tout simplement. Et le terme qui désigne le gros lot, c'est le jackpot. Bon, tu l'as compris, ça démarrait très, très, très, très bien. Est-ce que tu as fait des mauvaises réponses ? Est-ce que tu nous as donné que des bonnes réponses ? On va voir ça juste après Kenji Girac avec Pour oublier. À tout de suite, Grégory et Isabelle. À tout de suite. Enfant des villes, ou enfant des fois, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Accompagner peut-être à table en ce moment. N'hésitez pas à jouer si vous êtes avec vos collègues. 02 32 23 53 96. Et à mon avis, aujourd'hui, il va falloir travailler en équipe pendant la pause déj. Grégory et sa femme Isabelle ont joué. Premier candidat. Et le score, je vous le dis, est déjà très élevé. Alors, Grégory, dans quel palais la reine d'Angleterre habite-t-elle ? Buckingham Palace, c'était une bonne réponse. Le slalom, hein, c'est l'épreuve qui consiste à dévaler une pente en enchaînant les zigzags au ski. Je te demandais l'âge de l'acteur Daniel Craig. Tu as dit 47 ans. Alors, Ouais. Et je te demandais à 3 ans près. Daniel, il a 50 ans. Donc ça passe. Comment se prénomme la femme de Raymond dans Scène de ménage sur M6? Tu t'aimes bien Scène de ménage? Tu suis un peu? Non, je suis pas, mais Raymond et Huguette. Ça fait des années qu'ils font Scène de ménage, et en effet, c'est bien Huguette. À quelle marque automobile appartient le modèle baptisé 500? C'est bien la Fiat 500. Je te demandais de citer un Pierre célèbre, n'importe lequel. Tu as dit Pierre Palmade. Il y avait aussi Pierre Richard, Pierre Arditi. Combien de semaines dans une année civile? 52. Oui. Et puis, il y a eu cette question. 300 divisé par 75 égale... égale 4. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, Grégory. Ta femme va t'en vouloir. Il y a des chances. Parce que toi, t'as des chances aujourd'hui de remporter FIFA 19. T'as fait 11 bonnes réponses. Bon. Ce qui est un excellent score, je dirais même un très bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de score. Mais en attendant, t'es passé à côté des 500 euros quand même. Bah oui. À cause d'un calcul mental que tes enfants auraient pu faire quand même. Oui. Trop de pression. Trop de pression. On l'excuse. Ça avait l'air d'aller quand même. Oui. Bon, écoute, Grégory, ce qui est bien, c'est que déjà, tu peux être fier de toi. 11 bonnes réponses, c'est excellent. En attendant, t'es en lice et t'es en tête pour remporter FIFA 19. Aujourd'hui, il faut que le prochain candidat, il ait bu 4 cafés, qu'il soit entouré de 60 personnes pour essayer de te battre. Alors, vous êtes peut-être en forme aujourd'hui, vous pensez que Grégory, il a fait 11 bonnes réponses, mais vous pouvez faire mieux. Vous appelez au 02 32 23 53 96. Peut-être à tout à l'heure. Ok. Et franchement, si t'es battu, ce serait énorme. Moi pour toi, mais. Bon, Grégory, je t'embrasse. Isabelle également. Et faites des bisous à vos enfants. D'accord, merci. Vous écoutez La Pause d'âge, la rediff avec Aurélie sur Cristal. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Range les gens qu'au fond jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. C'est la même.

La pause déj passe en mode rediff sur Cristal. FIFA 19 a remporté ce midi dans la pause déj et notre premier candidat, Grégory, a cartonné. Il a fait 11 bonnes réponses, malheureusement pas consécutives pour empocher 500 euros. En attendant, il va falloir le battre ce midi. Thomas de Cantleux est avec nous. Bonjour Thomas. Oui, bonjour Aurélie. Thomas, tu es prof de tennis ? Oui, c'est ça. Ça n'empêche que tu es quand même passionné de FIFA ? Bah, en fait, oui, parce que j'ai commencé par le football étant jeune. D'accord. Et puis, bah, le foot ne m'a pas laissé. Et en fait, sur ma console, j'ai qu'un jeu, c'est FIFA. D'accord, ok. Voilà. Donc, t'en fais toujours par procuration avec ton jeu, quoi. Exactement. En attendant, pourquoi t'es passé au tennis? Ma deuxième passion, j'ai eu ras-le-bol du football. Et puis, à l'âge de 15 ans, je me suis mis au tennis. Et puis, j'ai eu la chance que ma passion devienne mon métier. Donc, toi, t'es prof de tennis du côté de Cantleux? Exactement, oui. Ok, t'as un club? Oui, c'est le club de tennis de Cantleux, justement. Tout simplement. Ok, voilà. Très bien. On peut te retrouver là-bas. En attendant, tu dois battre le premier candidat. Et vous avez un gros point commun, tous les deux. C'est que vous soutenez une équipe de foot en particulier qui est la même, c'est Barcelone. Tout à fait. Waouh. Bah écoute, on va voir si Barcelone te porte chance comme Grégory aujourd'hui. Est-ce okay. que tu es prêt? Allez, on y va. Allez, top, c'est parti. Qui reconnais-tu dans cet extrait? Écorché mon visage, écorché mes genoux. Je sais plus. Quel est le métier du français Guillaume Musso? Peintre. Quelle chanteuse est surnommée Queen Bee? Passe. Quel fruit peut être plantain? Plantain. Passe. Quelle chaîne de supermarché porte le même nom qu'un établissement de jeux? Passe. Quelle autoroute faut-il emprunter pour relier Caen à Paris? La 13. Quelle pâtisserie espagnole a la forme d'un très gros spaghetti frit? Donne-moi à 3 ans près l'âge de Patrick Bruel. 56. Qu'est-ce qu'un alpaga? Un alpaga, c'est un cheval, non? Elle peut être à la fois numérique ou de chocolat. De quoi s'agit-il? Vas-y, je te l'offre. Bah non. Non, non plus. Non, une tablette. Oui, c'était un peu la tard, tablette. Une tablette. Bon, écoute, on te l'offre. Allez, on t'offre la tablette aujourd'hui, c'est ça gentil, fait plaisir. C'était pas brillant. Non. Alors bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de je passe. Bon, on s'est dit Olivia Ruiz, c'était pas forcément facile à avoir. Écorché mon visage, écorché mes genoux, écorché mon pied. Olivia Ruiz, donc non pour toi. T'as pas su retrouver le nom. J'avais l'image, je la voyais, mais le nom m'a échappé. La chanteuse qui est surnommée Queen Bee, si je te mets cet extrait. Ah oui, eh ouais, on l'appelle Queen Bee, Beyoncé. Le fruit qui peut être plantain, c'est la banane. Ah oui, c'est plus facile quand on joue pas et qu'on écoute les autres en fait. Faut se détendre, ne t'inquiète pas. Bon, c'est écoute, on va voir, je sais qu'il y a des bonnes réponses. Bon, combien il y en a, on va voir ça. Mais tu restes quand même avec nous? Ok. On écoute David Guetta tout de suite avec Anne-Marie. Voici Merci Don't beaucoup. Leave Me Alone. A tout de suite Thomas. I don't wanna lie, can we be honest? Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day, we didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me. Don't you ever leave me again. sommes avec Thomas de Cantle qui tente de battre Grégory aujourd'hui pour peut-être gagner FIFA 19. Bon, on sait, Thomas, que c'était pas très brillant. Hein. Non. Il fallait quand même faire 12 bonnes réponses. Il y a eu quand même, bon, je pense 12, je passe, quoi. Exactement. Oh, je te taquine un petit peu, mais ça arrive. C'était la première fois que tu jouais ? Oui, tout à fait. Bon, en plus. Alors, quel est le métier du français Guillaume Musso ? Tu as dit qu'il était peintre, il est écrivain. Quelle chaîne de supermarché porte le même nom qu'un établissement de jeux ? Le Casino. Casino. L'autoroute qu'il faut emprunter pour relier Caen à Paris, ça tu sais, c'est la 13. Oui. La pâtisserie espagnole qui a la forme d'un très gros spaghetti frit, c'est le churros. Patrick Bruel, il a 59 ans, tu nous as dit 56, et je te demandais à 3 ans près, donc c'est bon. Bonne chance. Un alpaga, ce n'est pas un cheval, c'est un animal qui est proche du lama, qui est très mignon d'ailleurs. D'accord. Elle peut être à la fois numérique ou de chocolat, de quoi s'agit-il, la tablette ? Bon, Thomas, tu as fait 3 bonnes réponses. Bon. Bon, écoute, c'est mieux que zéro. Exactement, faut voir ça comme ça. Bon, t'aurais fait ça en premier candidat peut-être, mais là, bon, bah, tu le savais, c'était 12 bonnes réponses minimum. Et puis l'autre candidat était très brillant. Elle a été très, très, très brillant. Oui. D'ailleurs, il doit nous écouter en ce moment, il doit se dire, oh oui, oh là là. Oui. Bon, Thomas, je te souhaite une bonne journée, merci d'avoir joué avec nous. Également, merci beaucoup. Et bien sûr, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Bonne journée à toi et à vous maintenant de jouer. 02 32 23 53 96. Aujourd'hui, vous êtes en équipe. Vous avez envie de remporter FIFA. Vous pensez battre surtout Grégory de Breteuil. Il a fait 11 bonnes réponses. Faut en faire 12. Alors, je sais, je vous en demande beaucoup aujourd'hui, mais c'est possible. C'est réalisable. Impossible n'est pas pause-déj. C'est ce qu'on dit chez Christelle. 02 32 23 53 96 pour vous inscrire. Vous écoutez la pause-déj, la rediff avec Aurélie sur Christelle. Le rappel des titres sur Cristal. François Poulet, bonjour à tous. On débute avec un mot de la météo pour ce mercredi 26 septembre. Fraîcheur bien marquée au tout petit matin avec des bandes brouillard dans les vallées et un risque de gelée blanche dans les zones les plus froides. Le soleil s'impose ensuite partout en matinée et il fait à l'aube de 2 à 8 degrés. Beau soleil à nouveau pour cet après-midi avec un vent faible et des maximales de saison pour un tout début d'automne entre 18 et 22 degrés. La Normandie, malgré sa réputation de région pluvieuse, n'a pas été épargnée par la sécheresse qui a touché le pays ces derniers mois. Chez les éleveurs, le fourrage commence à manquer, trop d'eau puis pas assez. C'est l'équation donc de ces derniers mois qui cause un véritable casse-tête aux agriculteurs. L'hiver trop, très pluvieux a rendu difficile les plantations de maïs. L'été très sec n'a pas favorisé la pousse des herbages. La production de fourrage est au plus bas avec des baisses de près de 60% dans certains secteurs. Remonté depuis quelques semaines, Farid Moussaoui, président de l'association des mémoires des Harkis, a envisagé de tenir un discours dur lors de la cérémonie de commémoration aux Harkis hier matin à Louviers. Promesse tenue, après la cérémonie des couleurs, Farid Moussaoui a pris la parole pour rappeler longuement le drame des Harkis et de leur famille, leur désarmement, leur massacre, l'absence de rapatriement pour beaucoup et pour les autres la relégation dans les camps. Mettant en cause d'anciens ministres notamment, Farid Moussaoui a eu des mots durs qui ont fait que Anne Vrakoviak-Jacobs, la sous-préfète des Andelys, a décidé de quitter les lieux. Cristal, la première hit radio en Normandie. Split the ocean, grab my hand. La pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Nous sommes avec Émilie de Fontenay-le-Marmion dans le Calvados. Bonjour Émilie. Bonjour. Il faut que je raconte ton histoire à toi. Alors Émilie est déjà passée deux fois dans la pause déj, mais l'année dernière, il y a un bon bout de temps. Oui. Et à chaque fois que tu es tirée au sort, il y a des gros scores. C'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, tu n'as absolument personne pour t'aider. Alors toi, tu travailles, tu es vendeuse de vêtements pour enfants. Alors à la limite, il y aurait eu des clients dans ta boutique ou si tu travaillais aujourd'hui, tu aurais pu leur demander de t'aider. Mais là, pas du tout. Toute seule, quoi. Ouais, je suis toute seule. Alors comme je l'ai dit, hein, essaye de viser déjà les 10 bonnes réponses consécutives. Bah oui. Non mais là, la marche est haute, quoi. Faut demander à ce qu'on m'appelle plus vite. Hein? Bon, en plus, on dit jamais 203 en plus. Pour pas arranger le truc. Bon, pour bah, allez. Le couteau dans la plaie, non, mais on essaye quand même, Émilie, aujourd'hui. Allez, on tente. On tente le coup, on y va. 3, 2, 1. Qui reconnais-tu dans cet extrait? George Michael. Combien de centimètres dans 2,46 m? 246. Qu'est-ce qui est élevé lors d'une canicule? La température. Comment dit-on étoile en anglais? Star. De quel pays la ville de Rabat est-elle la capitale? Rabat, je dirais l'Algérie. Dans un de ses films, il joue un barman séducteur spécialisé dans la réalisation de cocktails. De quel acteur s'agit-il? Tom Cruise. Quel outil de jardinage désigne aussi familièrement un baiser avec la langue? Une pelle. Quelle est la monnaie officielle du Japon? Le yen. Quel détective de télé et de littérature porte le nom d'un légume? Poireau. À quel acteur la patineuse Nathalie Péchala est-elle mariée? Dujardin. Eh ben, c'est pas mal, dites-moi. Ouais, mais j'ai pas dit. Alors je regarde sur la fiche de mon arbitre Jocelyne. Bah, je vais pas te le dire maintenant. Allez. Non, Émilie, je te le dis pas maintenant. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que t'as George Michael. Pour adoucir ta douleur. Combien de centimètres dans 2,46 m? C'est dommage, t'as mis un petit peu de temps à chaque fois à répondre aux questions. Tu réfléchissais, mais des fois... doucement mais sûrement, c'est vrai. Alors c'était 246 cm en effet. Et qu'est-ce qui est élevé lors d'une canicule? Facile, c'est la température. Alors tu restes avec nous, Émilie? Eh ben je ne bouge pas. DJ Snake, c'est ce qu'on écoute tout de suite avec Middle. Est-ce que Émilie a fait 10 bonnes réponses consécutives? Réponse juste après. I didn't mean to put Christelle dans la pause d'âge, il est midi 42. C'est l'automne, il fait beau, il commence à faire un petit peu frais. Alors DJ Snake, pour vous accompagner avec Middle, il n'y a rien de mieux. Aujourd'hui, on doit battre Grégory. Grégory a fait 11 bonnes réponses. Émilie, notre dernière candidate, a tenté de relever le défi. Émilie, de Fontenelle, Marmion. Alors, ce qu'on sait, c'est que tu as répondu à 10 questions. On sait que tu as répondu à toutes les questions. D'accord. Il n'y a pas eu de je passe. Non. Comment dit-on étoile en anglais? On dit star, en effet. Dans un de ses films, il joue un barman séducteur spécialisé dans la réalisation de cocktails. Il s'agit bien de Tom Cruise, référence au film Cocktail. L'outil de jardinage qui désigne aussi familièrement un baiser avec la langue, une pelle. La monnaie officielle du Japon, alors dommage, t'as mis un petit peu de temps à la trouver, mais c'était une bonne réponse, le yen. Le détective de télé et de littérature qui porte le nom d'un légume, c'est Poirot. Alors attention. L'acteur qui sort avec Nathalie Péchala, enfin il s'est marié carrément avec, c'est bien Jean Dujardin. Jean, oui. Tu as 9 réponses aujourd'hui, pour l'instant. Et la dernière, c'était ce qu'il manque. De quel pays la ville de Rabat est-elle la capitale? Oh, ouais. Tu as dit l'Algérie. Oui. C'est le Maroc. Oh putain. 50 centimes dans la boîte à insultes. Ah ouais, alors là, ouais, mais je peux comprendre, comme diraient les jeunes, le seum. T'es passé à côté de 500 euros aujourd'hui. Ah, ça fait chier. Pour une réponse, la deuxième fois que ça nous arrive aujourd'hui dans la pause déj quand même, hein. Bon, t'as pas battu donc Grégory, tu n'as pas fait 10 bonnes réponses consécutives. Écoute, Émilie, faudra encore retenter. Ouais, bah je vais retenter. On garde espoir, hein. Demain, mon fils va appeler. Bon, écoute, mais oui, tu peux inscrire ton fils demain pour la pause déj spéciale enfant. En effet, s'ils ont 8 et 14, entre 8 et 14 ans, ils peuvent jouer pour tenter de remporter FIFA 19 par eux-mêmes. Ah, c'est à partir de 8 ans? Oui, à partir de 8 ans, peut-être trop jeune. Ouais, là, c'est trop jeune. Ça va être trop jeune. Bon, Émilie, tu reviens plus tard dans l'année? Mais oui. Merci, en tout cas, c'est toujours c'est un plaisir de jouer avec toi. Elle est super gentille, ta standardiste. Ah oui, je suis. Allez, un gros bisou. C'est notre standardiste, assistante antenne. Elle fait aussi le café, elle répare les imprimantes, elle est l'arbitre de la pause déj. C'est notre couteau suisse de la radio, quoi. Merci, Émilie, je te fais des gros bisous. Et bah, bisous à toutes. Et puis, bah, on félicite Grégory, notre grand gagnant. Bravo. Avec un score de 11 bonnes réponses, c'est tout mérité pour toi aujourd'hui. Ah oui, merci. Et remercie ta femme. Hein. Oui, aussi. Ta femme qui va être contente de ne pas avoir à dépenser 60 euros dans FIFA. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Bon, Grégory, je t'embrasse. On t'envoie tout ça à la maison et profites-en bien. Hein. D'accord, merci. C'est ton fils qui va être content. Merci, bravo. Merci à toi, bravo à toi plutôt. Hein. Merci, Christelle. 11 bonnes réponses, c'est ce que vous pouvez faire en jouant à la pause déj. C'est un très très joli score. Ça arrive très rarement, mais c'est faisable. Vous appelez au 02 32 23 53 96. Demain, comme je vous le disais, c'est la pause déj spéciale enfant. Vous inscrivez vos enfants, vous êtes grand, vous avez déjà un téléphone, vous avez moins de 14 ans. N'hésitez pas, 02 32 23 53 96. Vous écoutez la pause déj, la rediff avec Aurélie sur Cristal. I'm feeling sexy and free.

is so much harder than I thought. But I will give him everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me. Put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. Crazy. Jusqu'à 9h30 sur Cristal. C'est déjà l'heure avec Dimitri. Déjà l'heure. Continue jusqu'à 9h30 avec Dimitri sur Cristal. Et je viens de trouver l'attraction la plus glauque au monde. Il y a des gens un peu fous sur cette terre qui sont prêts à inventer des concepts toujours plus dingues pour faire quelques entrées. Ça se passe dans le Missouri aux États-Unis au parc Six Flags qui lance un défi à tous ses visiteurs. Rester 30 heures dans un cercueil. C'est pas une blague. Alors sans téléphone évidemment, avec les postes pipi qui sont autorisés. Et le cercueil contiendra bouteilles d'eau, chips et oreillers pour avoir tout le confort nécessaire.

matin. C'est déjà l'heure. Avec Dimitri sur Cristal. Sur le porto vecchio. Un peu de fraîcheur encore ce matin en Normandie. 3 degrés chez Sylvie à Touques dans le Calvados. 2 degrés sur les plages. En Eure et Seine-Maritime jusqu'à 6 degrés en ce moment. C'est vrai que depuis lundi, on caille un peu en sortant de la maison. Hein. Certains grattent aussi le pare-brise. Bah, c'est arrivé à Josh de Vernon. Il faisait 0, ça a gelé un peu. Et oui, bon courage à vous pour attaquer cette journée. Nous sur Cristal, on est là avec vous sous la couette, sur les routes ou déjà au travail. Il est bientôt 6h. L'actu normande de ces derniers jours arrive après l'horoscope d'Alexandra. Bonjour Alex. Bonjour à tous, nous sommes le 26 septembre, mercredi aujourd'hui, l'horoscope des béliers. Votre corps vous envoie des petites alertes. Écoutez-le, il vaut mieux prévenir que guérir. Durant la journée, les taureaux, vous n'aurez pas à vous plaindre, aucune mauvaise surprise. Les gémeaux, les célibataires, vous décidez de changer vos habitudes, vous avez envie de faire des rencontres. Cancer, votre bonne humeur vous sera fort utile pour dédramatiser toute situation. Lion, vous accumulez les instants de fantaisie, de franche rigolade et les instants de complicité amoureuse. Vierge, vous ferez preuve d'autodérision, ce qui fera beaucoup sourire les autres. Les balances, n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez, il est temps que vous vous dévoiliez. En amour, les scorpions, peu d'ombre au tableau à prévoir et les projets s'installent. Sagittaire, après la pluie, vient le beau temps, vous allez tout remettre à plat, aujourd'hui est un autre jour. Cancer, vous êtes rayonnant de charme, vous surprenez par votre vitalité. Verseau, on vous apprécie dans le travail et on vous le montre, des personnes peuvent vous étonner. Enfin, les poissons, tel un vrai stratège, vous allez planifier votre journée de façon à ne rien laisser au hasard. Excellente journée à tous. On a plaisir à ressortir les petits plaids, on le met par-dessus la couette, on se niche, mais c'est vrai qu'on galère un peu plus à se réveiller le matin. Je vous donne un petit peu de soleil dès ce matin sur Cristal avec Estelle. Voici American Boy, on se croirait presque en vacances. Champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy. This 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Everybody gonna say UK reluctantly, 'cause most of this press don't f*** with me. Estelle once said, tell me cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He said, would you be